Ah, tu m'avais entendu. Tu as entendu. J'ai dit quoi? Je sais pas. C'est bon. Ouais, du coup, tu m'as entendu. C'est des lettres avec des mots avec.